Ok. Tu avances doucement, moi je vais frapper dans mes mains. Tu fais du bruit, je suis sûre. C'est pas très grave. Bon. Écho flottant, on appelle ça. Mm-hmm. Tu as entendu? Écho. Flottant. Floating echo. J'aime bien, c'est joli. Corna volta. Ouais, par là. Une fini? Ouais.